À Constantinople, un nouvel usurpateur, Murzufle, s'empare du trône. Les croisés décident alors de nommer l'un d'entre eux empereur de Constantinople. Cependant, un premier assaut échoue, mais le 12 avril 1204, les croisés recommencent l'attaque.